Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans la nouvelle de Julio Cortázar que vous allez entendre, ce n'est pas une, mais deux histoires qui nous sont contées. Dans la première, qui se déroule à l'époque de la Rome antique, un proconsul emmène sa femme assister à un combat de gladiateurs. Dans la seconde, une femme téléphone à son mari alors qu'elle vient d'apprendre qu'il la trompe. Rien de commun, en apparence, entre ces deux récits dont la coexistence désarçonne dans un premier temps. Mais au fur et à mesure que l'histoire progresse, plusieurs thématiques résonnent entre l'un et l'autre. La tromperie, le jeu de dupes, la mesquinerie des hommes, la violence des sentiments qui bientôt finira par tout embraser. Comme souvent chez l'auteur argentin, le fantastique n'est pas loin, la mathématique joue son rôle et les interprétations, en définitive, demeurent ouvertes. Tous les feux, le feu, une nouvelle lue par André Dussolier pour l'émission Bonne Nouvelle Grand Comédien, proposée par Patrice Galbeau et diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 juin 1982. Julio Cortázar, tous les feux, le feu. C'est ainsi qu'ils me statufieront un jour, pense ironiquement le proconsul en levant son bras. Il le fixe dans le geste du salut, se laisse pétrifier par l'ovation d'un public que 2 heures de cirque et de chaleur n'ont pas fatigué. C'est le moment de la surprise promise. Le proconsul baisse le bras, regarde sa femme, qui lui rend le sourire inexpressif des fêtes publiques. Irène ne sait pas ce qui va suivre et en même temps, c'est comme si elle le savait. Même l'inattendu peut devenir une habitude quand on a appris à supporter les caprices du maître avec cette indifférence que déteste le proconsul. Sans avoir besoin de se retourner vers la reine, elle prévoit un sort déjà jeté, une succession monotone et cruelle. Lyca, l'armateur, et sa femme Urania sont les premiers à crier à un nom que la foule reprend et répète. « Je te réservais cette surprise, » dit le proconsul. « On m'a dit que tu appréciais le style de ce gladiateur. » Sentinelle de son sourire, Irène incline la tête pour remercier. « Puisque tu nous fais l'honneur de nous accompagner, » bien que les jeux t'ennuient, il est juste que j'essaie de t'offrir ce que tu aimes. Tu es le sel de la terre, crie Lyca. Tu fais descendre l'ombre même de Mars dans notre pauvre arène de province. Tu n'as pas encore tout vu, dit le proconsul, en trempant ses lèvres dans une coupe de vin qu'il tend ensuite à sa femme. Irène boit à longs traits, et il semble que le vin, avec son parfum, efface l'odeur épaisse de sang et de fumier. Dans un brusque silence d'attente qui découpe sa silhouette avec une précision implacable, Marco s'avance au centre de l'arène. Sa courte épée brille au soleil, dans le rayon oblique que laisse passer la vieille tante, et l'écu de bronze pend négligemment à sa main gauche. Qui va-t-il rencontrer? Le vainqueur de Smyrne? Demande Lyca, au comble de l'excitation. Mieux que ça, dit le proconsul. Je voudrais que ta province se souvienne de moi et que ma femme oublie pour une fois son ennui. Urania et Lyca applaudissent et attendent la réponse d'Irène, mais elle rend en silence la coupe à un esclave, étrangère à la clameur qui accueille le second gladiateur. Immobile, Marco, lui aussi, paraît indifférent à l'ovation qui salue son adversaire. De la pointe de son épée, il touche légèrement ses jambières dorées. « Allô ?» dit Roland Renoir en prenant une cigarette, comme si ce mouvement était inséparable de celui de décrocher le récepteur. Il y a sur la ligne un crépitement de communication mêlée, quelqu'un qui dicte des chiffres, et soudain un silence plus sombre encore dans cette obscurité que le téléphone installe dans l'œil de l'oreille. « Allô ?» répète Roland en posant sa cigarette au bord du cendrier et en cherchant les allumettes dans la poche de sa robe de chambre. « C'est moi !» dit la voix de Jeanne. Roland ferme un instant les yeux, fatigué, et s'étire dans son fauteuil. « C'est moi !» répète Jeanne inutilement. Et comme Roland ne répond pas, elle ajoute « Sonia vient de partir. » Le protocole veut que Marco regarde la tribune impériale et fasse le salut habituel. Il sait qu'il doit le faire et qu'il verra la femme du proconsul et le proconsul et que peut-être la femme lui sourira comme elle lui a souri au dernier jeu. Il n'a pas besoin de penser, il ne sait presque pas penser, mais l'instinct lui dit que cette arène est mauvaise. Cette nuit, il a rêvé d'un poisson, il a rêvé d'un chemin solitaire entre des colonnes brisées. Pendant qu'il ajustait son casque, quelqu'un a murmuré que le consul ne lui ferait pas de cadeau. Les clameurs le laissent indifférent parce que maintenant c'est l'autre qu'on applaudit. On l'applaudit moins que lui, mais entre les applaudissements filtrent des cris de surprise et Marco lève la tête. Il regarde la tribune où Irène s'est retournée pour parler avec Urania, où le proconsul négligemment fait un signe, et tout son corps se durcit et sa main se crispe sur la garde de son épée. Il lui a suffi de tourner les yeux vers la galerie opposée. Ce n'est pas par là qu'entre son rival. La herse du sombre passage des bêtes fauves s'est levée, et Marco voit se dessiner la gigantesque silhouette du rétière nubien, jusqu'alors invisible sur le fond de pierre noirâtre. Maintenant, oui, et au-delà de toute raison, il sait que le proconsul ne lui fera pas de cadeau. Il devine le sens du poisson et des colonnes brisées. Et en même temps, peu lui importe, ce sont les hasards du métier et du destin. Mais son corps demeure sur la défensive comme s'il avait peur. Quelque chose dans sa chair se demande pourquoi le rétière est sorti par la galerie des fauves, et le public aussi se le demande, entre de longues ovations. Comme toujours, comme depuis une lointaine nuit de noces, Irène se replie au plus profond d'elle-même, tandis qu'en surface elle approuve, sourit, et même jouit des spectacles. Dans cette profondeur libre et stérile, elle sent le signe de mort que le proconsul a caché sous un prétexte de fête publique, signe qu'elle seule et peut-être Marco peuvent comprendre, mais Marco ne comprendra pas, trop frustre, machine silencieuse, et son corps qu'elle a désiré un après-midi de cirque va payer le prix d'une simple imagination, d'un double regard inutile sur le cadavre d'un gladiateur de Thrace habilement tué d'une entaille à la gorge. Avant de faire le numéro de Roland, la main de Jeanne s'est attardée sur une revue de mode, sur un tube de somnifère, sur le dos du chat. Après, la voix de Roland a dit allô, sa voix un peu endormie, et brusquement, Jeanne a eu une douloureuse impression de ridicule. Ce qu'elle va dire va la reléguer au rang des pleureuses téléphoniques, celles qu'on écoute en fumant, dans un silence condescendant et ironique. « C'est moi, » dit Jeanne. Mais c'est plus à elle-même qu'elle le dit qu'à ce silence dressé où danse, comme sur un rideau de fond, quelques grésillements. Elle regarde sa main qui a caressé distraitement le chat avant de faire le numéro. Elle se refuse à croire que la main qui a pris puis reposé le tube de somnifère est sa main, que la voix qui vient de répéter « c'est moi » est sa voix, au bord de la limite. Au nom de la plus élémentaire dignité, se taire. Reposer doucement le récepteur, rester seul, propre. Sonia vient de partir, dit Jeanne. Et voilà la limite franchie. Le ridicule qui commence, le petit enfer douillé. Ah ? Dit Roland en frottant une allumette. Jeanne entend distinctement le craquement. C'est comme si elle voyait le visage de Roland en train d'aspirer la fumée, se rejetant un peu en arrière, les yeux mi-clos. Un fleuve d'écailles brillantes semble jaillir des mains du géant noir et Marco a juste le temps d'esquiver un filet. En d'autres occasions, il aurait déjà mis à profit ce court instant qui est le point faible de Tourettière pour arrêter de son bouclier la menace du trident et se lancer à fond dans un mouvement fulgurant contre la poitrine découverte. Le proconsul le sait et il tourne la tête uniquement pour qu'Irène le voie sourire. Mais Marco se borne à rester hors de portée, les jambes fléchies comme s'il allait sauter, tandis que le Nubien reprend rapidement son filet et prépare une nouvelle attaque. Il est perdu, pense Irène, sans regarder le proconsul qui choisit des fruits confits sur un plateau que lui présente Urania. Il n'est plus ce qu'il était, pense Lika, qui regrette son pari. Marco s'est baissé un peu pour suivre le mouvement giratoire du Nubien. Il est le seul à ne pas savoir ce que tout le monde pressent. C'est à peine un vague instinct qui attend, l'ové, une autre occasion vaguement désorientée de ne pas avoir fait ce que la science du combat lui commandait. Il aurait besoin de plus de temps, des heures de taverne qui suivent les triomphes pour comprendre peut-être pourquoi le proconsul ne lui fait pas de cadeau. Farouche, il attend un autre moment propice. Peut-être à la fin du combat, un pied posé sur le cadavre du rétière, retrouvera-t-il le sourire de la femme du proconsul? Mais cela, ce n'est pas lui qu'il pense, et celui qu'il pense ne croit déjà plus que le pied de Marco se posera sur la poitrine d'un Nubien égorgé. Décide-toi, dit Roland. À moins que tu ne veuilles me faire écouter tout l'après-midi ce type qui dicte des chiffres à je ne sais qui. Tu l'entends? Oui, dit Jeanne. On l'entend comme de très loin. 354. 242. Il n'y a plus pendant un instant que la voix distante et monotone. En tous les cas, dit Roland, il utilise le téléphone, lui, pour quelque chose de pratique. La réponse pourrait être celle qu'on attend. La première plainte. Mais Jeanne se tait encore quelques secondes, puis répète « Sonia vient de partir. » Elle hésite avant d'ajouter « Elle va sans doute aller chez toi. » Ça, ça le surprendre et il ne voit pas pourquoi Sonia irait chez lui. « Ne mens pas !» dit Jeanne. Et le chat s'éloigne brusquement en la regardant d'un air offensé. « Je ne mentais pas, » dit Roland. Je voulais parler de l'heure, pas du fait de venir ou de ne pas venir. Sonia sait que les visites et les coups de fil me dérangent à cette heure-ci. 805, dicte de loin la voix. 416, 32. Jeanne a fermé les yeux, attendant que cette voix anonyme s'arrête pour dire la seule chose qui reste à dire. Si Roland coupe la communication, il lui restera encore cette voix tout au fond de la ligne. Elle pourra garder le récepteur contre l'oreille, glisser sur le divan, caresser le chat qui est revenu s'étendre contre elle, jouer avec le tube de comprimé, écouter les chiffres jusqu'à ce que l'autre voix aussi se fatigue et qu'il ne reste rien, absolument plus rien que le récepteur qui se mettra à peser, lourd entre ses doigts, une chose morte qu'il faudra repousser sans la regarder. Pour la deuxième fois, Marco arrive à esquiver le filet, mais il a mal calculé son saut en arrière et il glisse sur une tache humide dans le sable. D'un geste désespéré qui fait se lever le public comme un seul homme, Marco repousse le filet d'un moulinet de sa courte épée et tend le bras gauche pour parer le coup de trident. Le proconsul dédaigne les commentaires excités de Lika et tourne la tête vers Irène qui n'a pas bougé. « C'est maintenant ou jamais, » dit le proconsul. « Jamais, » répond Irène. « Il n'est plus ce qu'il était, » répète Lika. « Ça va lui coûter cher, le Nubien ne lui donnera pas une autre occasion, il n'y a qu'à le voir. » Immobile, Marco semble avoir vu son erreur. Son bouclier en l'air, il regarde le trident qui oscille hypnotiquement à 2 mètres de ses yeux. « Tu as raison, il n'est plus le même, » dit le proconsul. « Tu avais parié pour lui, Irène ?» Ramassé sur lui-même, prêt à bondir, Marco sent à fleur de peau, au creux de l'estomac, que la foule l'abandonne. Tout est chaîne, piège. se redressant avec une violence menaçante que le public applaudit, tandis que le rétière recule d'un pas pour la première fois, Marco choisit la seule voie possible. La confusion, la sueur, l'odeur de sang, la mort face à celui qu'il faut écraser. Quelqu'un le pense pour lui derrière un masque souriant, quelqu'un qui l'a désiré au-dessus du corps d'un gladiateur agonisant. Le poison, se dirait, je trouverai bien un jour le poison convenable, mais à présent, accepte la coupe de vin, sois la plus forte, attends ton heure. Le silence semble s'allonger comme s'allonge l'insidieuse galerie noire où revient intermittente la voix lointaine qui répète des chiffres. Jeanne a toujours cru que les messages véritables étaient en deçà de toute parole. Peut-être ces chiffres en disent-ils plus long ? Valent-ils plus que tous les discours pour celui qui les écoute attentivement ? Comme pour elle, le parfum de Sonia, sa main lui effleurant l'épaule au moment de partir, tout ce qui a compté davantage que les mots qu'elle a prononcés. Mais il était normal que Sonia ne se contentât pas d'un message chiffré, qu'elle ait voulu dire la chose mot par mot pour la savourer jusqu'au bout. Je sais que pour toi ce sera très dur, a répété Sonia, mais je déteste l'hypocrisie et j'ai préféré te dire la vérité. Ça m'est égal qu'elle aille chez toi ou pas, dit Jeanne. À présent tout m'est égal. Au lieu d'un autre chiffre, il y a un long silence. Tu es là ? Demande Jeanne. Oui, dit Roland, en posant son mégot sur le cendrier et en cherchant tranquillement le cognac. Ce que je n'arrive pas à comprendre, commence Jeanne. Je t'en prie, dit Roland, dans ces cas-là, personne ne comprend grand-chose, et en plus, ma chérie, on ne gagne rien à vouloir comprendre. Je regrette que Sonia se soit précipitée chez toi, ce n'était pas à elle de te l'apprendre. Mais toi, dit absurdement Jeanne, alors toi. Roland boit une gorgée de cognac. Il a toujours aimé choisir ses mots, éviter les dialogues superflus. Jeanne répétera deux, trois fois ces phrases en les accentuant chaque fois d'une manière différente. Qu'elle parle, qu'elle répète, pendant qu'il prépare un minimum de réponses sensées pour mettre un peu d'ordre dans ses débordements déplorables. Après une feinte, Marco se redresse en respirant profondément. Quelque chose lui dit que cette fois le Nubien va changer l'ordre de l'attaque, que le Trident devancera le filet. Regarde bien, dit Lika à sa femme. Je l'ai vu faire ça à Apta Julia. Il finit toujours par les déconcerter. Mal défendu et prenant le risque d'entrer dans le champ du filet, Marco se jette en avant et ne lève son bouclier que lorsque le filet s'échappe comme un éclair de la main du Nubien. Il arrête le bord du filet, mais le trident s'abat et le sang jaillit de sa cuisse, tandis que son épée trop courte résonne inutilement contre la rampe. « Je te l'avais dit !» crie Lika. Le proconsul regarde attentivement la cuisse blessée, le sang qui se perd dans la jambière dorée. Il pense, presque avec pitié, qu'Irène aurait aimé caresser cette cuisse, aurait aimé chercher sa pression et sa chaleur en gémissant, comme elle sait gémir quand il la serre pour lui faire mal. Il le lui dira ce soir. Et ce sera intéressant alors de surveiller son visage, de chercher le point faible de son masque parfait qui feindra l'indifférence jusqu'à la fin, comme elle feint maintenant un intérêt poli pour la lutte qui fait hurler d'enthousiasme une foule brusquement excitée par l'imminence de la fin. La chance l'a abandonnée, dit le proconsul à Irène. Je me sens presque coupable de l'avoir fait venir dans cette arène de province. Il a laissé à Rome le meilleur de lui-même, c'est évident. Et le reste, il le laissera ici avec tout l'argent que j'ai parié sur lui, dit Lika. Je t'en prie, ne te mets pas dans cet état, dit Roland. C'est absurde de parler au téléphone alors que nous pouvons nous voir ce soir même. Je te le répète, Sonia a eu tort de se précipiter. J'aurais voulu t'éviter ce choc. La fourmi a cessé de dicter ses chiffres et l'on entend la voix de Jeanne très distinctement. Il n'y a pas de larmes dans sa voix. Et cela surprend Roland, qui a préparé ses phrases pour parer à une avalanche de reproches. « M'éviter ce choc, » dit Jeanne. « En mentant, bien sûr. En me trompant une fois de plus. » Roland soupire et ne répond pas pour éviter que ce dialogue ennuyeux ne s'étire à l'infini. Je regrette, mais si tu continues sur ce ton, je préfère couper. Et pour la première fois, il y a une nuance d'affabilité dans sa voix. Il vaut mieux que j'aille te voir demain. Nous sommes des gens civilisés, que diable. Ne viens pas, dit Jeanne. Ne viens jamais plus, Roland. Le drame, les probables menaces de suicide qu'elle ennuie, comme la foi de Marie-Josée, comme chaque fois qu'elle le prenne au tragique. Ne sois pas bête, conseille Roland. Demain, tu comprendras mieux. C'est préférable pour nous deux. Jeanne se tait. La fourmi dicte des chiffres ronds. 100, 400, 1000. Bon. À demain, dit Roland, en admirant le tailleur de Sonia qui vient d'ouvrir la porte et s'est arrêté d'un air mi-interrogatif, mi-moqueur. Elle n'a pas perdu de temps pour t'appeler, dit Sonia en posant son sac et une revue. À demain, Jeanne, répète Roland. Le silence sur la ligne semble se tendre comme un arc, jusqu'à ce qu'un chiffre lointain le coupe net. 904. Vous n'avez pas bientôt fini avec vos chiffres ? Crie Roland de toutes ses forces. Et avant d'éloigner le récepteur de son oreille, il entend le déclic à l'autre bout, l'arc qui lâche sa flèche inoffensive. Paralysé, se sentant incapable d'échapper au filet qui va bientôt s'abattre, Marco fait face au géant. Son épée trop courte, immobile, au bout de son bras tendu. Le Nubien déplie son filet, une fois, deux fois. Il le rassemble. Cherchant l'angle le plus favorable, il le fait tourner encore comme s'il voulait prolonger les hurlements du public qui l'incite à achever son rival. Et il saute de côté pour donner plus de force à son coup de filet. Marco va au devant du filet, son bouclier en l'air, et c'est une tour qui s'écroule contre une masse noire. L'épée s'enfonce dans une chose qui plus haut hurle. Le sable entre dans ses yeux, dans sa bouche. Le filet tombe inutile sur le poisson qui suffoque. Le chat accepte ses caresses avec indifférence. Incapable de sentir que la main de Jeanne tremble un peu et se refroidit lentement. Lorsque les doigts glissent sur ses poils, puis se crispent et tirent, il pousse un miaulement indigné. Après quoi, il se laisse tomber sur le dos et remue les pattes d'un air qui fait toujours rire Jeanne, mais maintenant, non. La main de Jeanne reste immobile, près du chat, et c'est à peine si un doigt cherche encore la chaleur de sa fourrure, fait une brève caresse, et s'immobilise à nouveau contre le flanc tiède et le tube de somnifère qui a roulé par là. Atteint en plein estomac, le Nubien hurle, se rejette en arrière et, dans un dernier sursaut, enfonce son trident dans le dos de son rival tombé à terre. Il tombe lui aussi sur le corps de Marco et les convulsions le font rouler de côté. Marco bouge lentement un bras, cloué sur le sable, comme un énorme insecte brillant. Il est assez rare, dit le proconsul en se retournant vers Irène, que deux gladiateurs de pareil mérite se tuent mutuellement. Nous pouvons nous vanter d'avoir vu un spectacle peu habituel. Je l'écrirai ce soir à mon frère pour le consoler de son ennuyeuse vie conjugale. Irène regarde bouger le bras de Marco. Un lent mouvement inutile, comme s'il voulait arracher le trident planté dans ses reins. Elle imagine le proconsul nu dans l'arène, avec le même trident enfoncé dans sa chair grasse. Mais le proconsul ne remuerait pas le bras avec cette ultime dignité. Il hurlerait en se démenant comme un lapin qu'on étrangle, en demandant pardon à un public indigné. Acceptant la main que lui tend son mari pour l'aider à se lever, elle approuve. Comme toujours, le bras s'est immobilisé. La seule chose à faire, c'est de sourire, de se réfugier une fois de plus dans l'intelligence. Le chat n'a pas l'air d'aimer l'immobilité de Jeanne. Il miaule désespérément, puis s'éloigne pour aller se coucher plus loin, déjà indifférent, somnolent. Pardonne-moi de venir à cette heure-ci, dit Sonia. J'ai vu ton auto en bas, la tentation était trop forte. C'était elle, n'est-ce pas? Roland cherche une cigarette. Tu as eu tort, dit-il. C'est moi qui aurais dû le lui dire, après tout. J'ai été plus de 2 ans avec elle. Mais c'est une très chic fille. Oh, mais le plaisir, dit Sonia, en se servant un cognac. Je n'ai jamais pu lui pardonner son innocence. Il n'y a rien qui m'exaspère autant. Si je te disais qu'elle a commencé par en rire, persuadée que je lui faisais une blague. Roland regarde le téléphone, pense à la fourmi. Jeanne va certainement le rappeler et ce sera gênant parce que Sonia s'est assise près de lui et lui caresse les cheveux tout en feuilletant une revue littéraire comme si elle cherchait des illustrations. Tu as eu tort, répète Roland, en la tirant contre lui. De venir maintenant, plaisante Sonia, en cédant aux mains qui cherchent maladroitement les premiers boutons. Un voile violet couvre les épaules d'Irène qui tourne le dos au public et attend que le proconsul ait fini de saluer. Il se mêle déjà aux ovations une rumeur de foule en mouvement. La course de ceux qui veulent être les premiers à sortir. Irène sait que les esclaves sont en train de traîner les cadavres hors de la piste et elle ne se retourne pas. Elle est contente que le proconsul ait accepté l'invitation à dîner de Lyca dans sa villa au bord du lac. L'air de la nuit l'aidera à oublier l'odeur de la plèbe, les derniers cris. Un bras qui bouge lentement comme s'il caressait la terre. Il ne lui est pas difficile d'oublier, bien que le proconsul la poursuive sans cesse des histoires d'un passé qui l'inquiète. Un jour, Irène trouvera la façon de lui faire oublier lui aussi et pour toujours. « Tu vas voir ce que sait faire notre cuisinier, » dit la femme de Lyca. « Il a rendu l'appétit à mon mari. » Et le soir, Lyca rit et salue ses amis en attendant que le proconsul ouvre la marche vers la galerie après un dernier salut qui se fait attendre, comme s'il se complaisait à regarder la piste où l'on harponne et traîne les cadavres. « Je suis si heureuse, » dit Sonia, en appuyant sa joue sur la poitrine de Roland à moitié endormi. « Ne le dis pas, » murmure Roland. « On croit toujours que c'est par politesse. »« Tu ne me crois pas ?» dit Sonia en riant. « Si, mais ne le dis pas maintenant. » « Fumons. » Il cherche à tâtons sur la table basse les cigarettes, en met une entre les lèvres de Sonia, approche la sienne, les allume en même temps. Ils se regardent à peine, pleins de sommeil, et Roland agite l'allumette et la pose sur la table où il doit y avoir un cendrier. Sonia s'endort la première. Il enlève tout doucement la cigarette de sa bouche, la pose avec la sienne sur la table, et sombre contre Sonia dans un sommeil épais et sans image. Le mouchoir de soie brûle sans flamme au bord du cendrier, et tombe sur le tapis près du tas de vêtements et d'un verre de cognac. Une partie du public vocifère et s'attroupe sur les gradins inférieurs. Le proconsul a salué et fait un signe à son garde pour qu'on lui fasse place dans les couloirs. Lyca est le premier à comprendre. Il montre le coin de la vieille tente qui a pris feu. La pluie d'étincelles tombant sur le public qui se rue vers les sorties. Le proconsul crie un ordre et pousse Irène, toujours immobile, dos tourné. « Vite, avant qu'ils arrivent dans la galerie d'en bas !» crie Lyca en bousculant sa femme pour passer le premier. Irène sent l'odeur de l'huile brûlée, l'incendie dans les dépôts souterrains. Derrière elle, des pans entiers de toile en flammes tombent sur le dos des gens qui essaient de se frayer un passage dans une masse de corps confondus qui obstrue les galeries trop étroites. D'autres, par centaines, sautent sur la piste pour essayer de trouver une issue. Mais la fumée noire de l'huile efface les images. Un lambeau de toile en flammes vole et tombe sur l'épaule du proconsul. Irène se retourne en entendant son cri et enlève la toile brûlée en la prenant entre 2 doigts, délicatement. Nous ne pourrons pas sortir, dit-elle. Ils ont déjà bloqué les galeries du bas. Alors Sonia crie en voulant se libérer du bras en flammes qui l'étreint dans son rêve, et son premier hurlement se confond avec celui de Roland qui, inutilement, cherche à se lever, étouffé par la fumée noire. Il crie encore, mais de plus en plus faiblement quand la voiture des pompiers arrive à toute vitesse dans la rue encombrée de curieux. « C'est au 10e étage, dit le chef. Ça va être dur, il y a vent du nord. Allons-y !» C'était Bonne Nouvelle, Grand Comédien. André Dussolier disait « Tous les feux, le feu » de Julio Cortázar dans une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 juin 1982. Réécoute et téléchargement à la page des nuits sur le site franceculture.fr.